السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Naam. Bienvenue à tous. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'être parmi vous. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'être parmi vous afin de continuer la série de cours, le troisième cours et le dernier insha'Allah ta'ala sur l'explication de sourate al-Fatiha de Cheikh al-Islam Mohammed Ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous sommes arrivés à l'explication du verset Malik Yawmiddin. Nous avions commencé hier à expliquer cela. Donc on continue, inshallah wa ta'ala, directement à la parole du Cheikh Mohammed Ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit: فمن دعا في تفريج كربته وقضاء حاجته إلى آخره. Jusqu'à la fin de sa parole en arabe, que l'on va traduire comme d'habitude, inshallah wa ta'ala. Donc le Cheikh, il dit: celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de consoler ses peines et le fait d'exaucer ses invocations dont ce dont il a besoin, puis il invoque la même chose à une créature, surtout si en plus de son invocation il s'asservit à cette créature en disant: un tel est ton serviteur, ou serviteur de Ali, ou serviteur du prophète, ou serviteur de Zubayr, alors c'est qu'il lui a reconnu la seigneurie. Et lorsqu'il invoque Ali ou Zubayr de la même manière qu'il invoque Allah, c'est qu'il leur reconnaît la divinité. S'il les invoque pour qu'il lui apporte le bien et écarte de lui le mal, en prétendant être leur serviteur, c'est qu'il leur a reconnu la seigneurie. Et donc il ne reconnaît pas qu'Allah soit le seul seigneur de tous les mondes. Mais il a au contraire renié une partie de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, le shir, et ceci fait partie de la science précise et de la clairvoyance, le shir ici, dans sa parole, il n'a pas rendu le shirk seulement dans le fait, quand il explique, il n'a pas rendu le shirk, l'association, seulement dans le fait de demander aux divinités, mais aussi dans le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala et en dehors d'Allah. C'est-à-dire qu'ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils invoquent aussi leur divinité. Et ceci est aussi de l'association. Donc le shirk, il nous met en évidence ici le danger de l'association des associateurs de notre époque. Les associateurs de notre époque. Car les associateurs de Quraysh, comme on l'a vu, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils adoraient en dehors de lui. Mais ils reconnaissaient Tawhid al-Rububiyya de la Seigneurie. Tandis que les associateurs de notre époque, lorsqu'ils demandent à leur saint ou à autre chose, ils les adorent d'un culte exclusif. C'est-à-dire qu'ils n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et la parole du cheikh ici, quand il dit qu'il s'asservit à une créature en disant un tel est ton serviteur ou alors serviteur de Ali ou du prophète ou de Zubayr, ici c'est une réfutation au Rawafid, la secte des Rawafid, des chiites. Hein? Et eux, ils ont regroupé entre deux sortes de shirk. Ils ont regroupé entre deux sortes de shirk. Dans la seigneurie et dans l'adoration. C'est-à-dire dans le shirk Rububiyya et shirk Al-Uluhiyya. C'est-à-dire ils n'ont pas reconnu Tawhid Al-Rububiyya ni Tawhid Al-Uluhiyya. Car ils croient fermement parmi eux que Ali, qu'Allah l'agrée, est une divinité. Allahul Musta'an. Et que c'est lui qui dirige tout. C'est lui qui détient Al-Rububiyya. Et c'est pour cela que si tu lui dis à cette personne, jure par Allah, en mentant, il le ferait. Mais si tu lui dis, jure par Ali, en mentant, il ne le fera pas. Parce que il croit que Ali, hein, il mérite, hein, l'adoration. Et que c'est lui qui donne les profits ou qui nuit. Allahul Musta'an. Donc là, on voit que ce que le cheikh il avait dit auparavant, que les associateurs à l'époque, hein, de Quraysh, hein, ils reconnaissaient le Tawhid al-Rububiyya, mais pas le Tawhid al-Uluhiyya. Mais les associateurs à cette époque-là, c'est encore pire. Ils ne reconnaissent ni Tawhid al-Rububiyya ni Tawhid al-Uluhiyya. Le Cheikh, il continue, il dit qu'Allah fasse donc miséricorde à celui qui est sincère avec son âme et qui médite sur ces choses importantes et qui recherche les paroles des savants. Qui sont les gens du droit chemin? Ont-ils interprété cette sourate ainsi ou non? Et là, c'est important, parce que c'est une parole qui est subtile du cheikh ici. Hein, que tu regardes l'explication du Coran avec les paroles des gens de science, c'est important. Pas seulement la mémorisation du Coran, car il est obligatoire de connaître parfaitement les formes de tawhid. Et il faut savoir distinguer ce qui est correct de ce qui est faux, afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec science et clairvoyance. Et que la récitation de Sourate al-Fatiha, elle ait un impact dans la vie du musulman. Et que ce soit une guidée pour lui vers la voie droite. Et le cheikh ici, il rajoute, il dit, médite. Hein, de poser la question aux gens de science. La religion, elle ne se comprend pas avec les avis ou seulement avec la mémorisation. Mais il est obligatoire de revenir aux paroles de gens de science, les gens de la sunna, les gens de la voie droite. On ne revient pas vers n'importe qui. Et le cheikh ici, il précise bien qu'on revient vers les gens de la voie droite, du droit chemin. Ceux qui ont regroupé entre l'unicité et la sunna, entre la peur et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas les gens du faux et de l'innovation, les gens des passions. Car comme vous le savez, cette science est une religion. Faites attention de qui vous l'apprenez. Et cela viendra, inshallah ou ta'ala, dans l'explication du dernier verset de Sourate al-Fatiha, qu'Allah vous présente. Le cheikh, il continue, il dit « Wa amma al-malik fayati al-kalamu alayhi » Pour ce qui est du roi, parce qu'on avait dit qu'il y avait deux formes de récitation, on pouvait dire Maliki Yawmiddin avec la prolongation ou Maliki Yawmiddin sans la prolongation. Hein? Donc Maliki Yawmiddin c'est en Hafs, quand tu lis hein, en Hafs, mais quand tu lis en Warsh c'est Maliki Yawmiddin. Et le cheikh il dit ici, pour ce qui est du roi, Al-Malik, nous allons en parler maintenant. Lorsqu'Allah dit Maliki Yawmiddin, le roi du jour du jugement, du jour de la rétribution. Et ce verset signifie à l'unanimité des savants, ceux qui ont interprété ce verset, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué à ce sujet. Dans Surat Al-Infitar, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَ إِذٍ لِلَّهِ. Et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Mais qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme, et ce jour-là, le commandement sera à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc là, on voit bien la signification, parce que le cheikh, il a dit ils sont unanimes, que Maliki Yawmiddin, ici Malik, hein, ça signifie ici hein, ce qui est présent dans Surat Al-Infitar à la fin. Naam. Donc le jour de la rétribution, c'est le jour dernier. Et il est nommé ainsi car c'est au cours de celui-ci qu'auront lieu la récompense et le jugement. Donc pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a dit le maître du jour de la rétribution, Maliki Yawmiddin, alors qu'il est également le maître des autres jours? Ce jour, il a été spécifié ici, étant donné que lorsqu'il adviendra, il n'y aura nulle royauté si ce n'est la sienne, Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il l'a dit dans le Coran, dans Surat Ghafir, لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ. À qui revient la royauté aujourd'hui? À Allah, l'unique, le dominateur. Ainsi, l'humanité tout entière, ce jour-là, sera au même niveau, que ce soit les rois, de même que les esclaves, les riches, les pauvres, les nobles, etc. Chacun d'entre eux ne se distinguera si ce n'est celui qui aura des œuvres pieuses à son actif. Le cheikh, il continue l'explication et il dit « Celui qui connaîtra l'interprétation de ce verset, l'explication de ce verset, et connaîtra la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il est le roi de ce jour en particulier, malgré qu'il est le roi de toute chose, de ce jour et de tout autre jour, il saura que la raison pour laquelle ce jour a été spécifié est une raison importante, immense et terrible. Et la connaître, c'est la clé du paradis. Et l'ignorer est la clé de l'enfer. » Il dit le shir, combien cette affaire est importante. Combien cette affaire est importante. Même si un homme, il dit le shir, s'y a donné plus de 20 ans, il ne l'aurait pas accompli réellement. Donc que penser de cela, le shir, il dit. De cette foi exprimée par le Coran, avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô Fatima, fille de Muhammad, je ne te servirai à rien devant Allah. C'est-à-dire le jour du jugement. Donc que dire de cela comparé à ce que prétend ce poète? Le cheikh, il ramène ici des vers de poésie d'un poète. Et ce poème qu'on appelle Al-Burda, il contient de l'association majeure. Et il a ramené le cheikh ici deux vers de ce poème. Il dit hein, « J'ai certes une garantie de sa part, de par mon nom. » Mohammed, il est le plus fidèle dans ses engagements. Là, on voit bien que hein, qu'il y a une forme d'association majeure. Car il donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui attribue hein, le tawhid de Ar-Rububiyya. Et c'est pour cela que le cheikh, il dit ensuite « فَلْيَتَأَمَّلْ » Que celui qui est sincère envers son âme médite sur le sens de ces vers qui contiennent du shirk, et qu'il médite sur le mal, le fléau qu'il provoque sur les gens, ou qu'ils provoquèrent sur les gens, et les prétendus savants, qui préfèrent les réciter que de réciter le Coran. Ils préfèrent réciter ces vers de poèmes qui contiennent du shirk que de réciter le Coran. Le cheikh dit, est-il possible que se réunissent dans le cœur d'un serviteur la reconnaissance de ses vers et la reconnaissance du verset le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme, et ce jour-là le commandement sera Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut rien ce jour-là, car le commandement sera Allah subhanahu wa ta'ala. Mais eux disent le contraire dans le poème. Ils lui attribuent de le tawhid al-rububiyya. Et c'est pour cela que le cheikh il dit, et sa parole, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, oh Fatima, sa fille, fille de Mohammed, je ne te servirai à rien devant Allah. Le cheikh il dit, par Allah, il jure trois fois, par Allah, non par Allah, par Allah, non, tout comme il est possible, il est impossible, afwan, que se réunissent dans un même cœur de croire en la sincérité de Moussa et la sincérité de Pharaon, la sincérité de Mohammed et la sincérité d'Abu Jahl, et croire que tous étaient dans le vrai. Tu ne peux pas rassembler dans le cœur la vérité et le faux, le tawhid et le shirk, la bid'a, la sunna et la bid'a. Donc le shirk il dit par Allah, non, ils ne se réuniront dans le cœur d'une même personne que lorsque les corbeaux seront blancs. Il donne ici en vérité un vers de poème d'Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans An-Nuniyya. C'est-à-dire que le corbeau, il peut pas devenir blanc, il est noir. C'est impossible. Donc il est impossible que la fausse croyance, le shirk, il peut se réunir avec la bonne croyance, il peut se réunir avec le tawhid. Donc c'est pour ça ici qu'il a dit, c'est impossible que se réunissent dans un même cœur de croire en la sincérité de Moussa alayhi salam et la sincérité de Pharaon, ou la sincérité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la sincérité d'Abu Jahl, et que croire que tous étaient dans le vrai. Donc le cheikh il dit, celui qui comprendra ceci, celui qui comprendra cette affaire, ce point qu'on a cité, et qu'il connaîtra Al-Burda, c'est-à-dire le poème, où il y a du shirk. Et à notre époque, Wallahu al-Musta'an, beaucoup de personnes, ils croient au Burda, à ce poème. Et ils mettent ce poème comme adoration pour eux. Et même ils délaissent le Coran, alors que le Coran est clair et évident. Mais ils ont trompé les gens. Ils ont trompé les gens en disant que le Coran, personne ne peut le comprendre excepté le savant qui est sérieux, absolu. Ils ont éloigné les gens du Coran. Ils disent, mémorisez-le, mais que pour la prière. Mais pour le comprendre, cela appartient au savant. Et cela, il a expliqué Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dans les six fondements. Vous verrez, Inch'Allah ou Ta'ala. Donc, ils ont éloigné les gens de la méditation du Coran. Et encore pire que ça, plus pire, ils éduquent les gens vers l'étude de leurs anachid, qui contiennent du shirk, ainsi que leurs poèmes qui contiennent du shirk. Et ils délaissent le Coran, la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, le Cheikh, il dit, celui qui comprendra ceci, et celui qui connaîtra Al-Burda, il se rendra compte alors, à ce moment-là, l'étrangeté de l'islam. Et il se rendra compte aussi que l'hostilité que nous subissons, le cheikh il dit, et qu'ils nous combattent et prennent nos biens et nos femmes et rendent sacrés nos sangs, nos biens et nos femmes ne sont pas causés par notre takfir, le cheikh il dit, ni notre combat, mais ce sont eux au contraire qui nous font le takfir et nous combattent pour ces versets. Et ensuite il cite les versets. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, n'invoquez personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ou أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ. Ceux qu'ils invoquent désirent eux-mêmes trouver le moyen d'être plus proches de leur Seigneur. Ou la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ. À lui l'invocation de vérité, et ceux qu'ils invoquent d'autres que lui ne peuvent leur répondre en rien. Tous ces versets qui montrent le tawhid. Donc ils ont combattu, même à l'époque du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, les gens de l'innovation, les gens de l'égarement, ont combattu le cheikh et ont rendu le bien, le sang et les familles sacrées. Donc là, car les gens de la sunna, pour bien comprendre, ils ne commencent jamais par le takfir. Les gens de la sunna, ils ne commencent jamais par le takfir, ni le combat, mais plutôt par le conseil et la science. Ils sont les gens qui sont le plus éloignés du takfir, les gens de la sunna. Et c'est pour cela que le cheikh ici met en évidence cela. Et le cheikh, il continue, il dit... فَهَذَا بَعْضُ الْمَعَانِي فِي قَوْلِي مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ. Et il y a dans ces versets une partie du sens du verset « Le roi du jour du jugement ». Et il dit sans aucune divergence entre eux, les interprètes du Coran. Et le cheikh il dit et Allah subhanahu wa ta'ala a également expliqué ce verset dans sourate Al-Infitar, comme on a expliqué. Le cheikh, il continue, il dit « Wa'alam, arshadak Allah, anna al-haqqa la yatabayyan illa bil-batil, kama qil, wa bididdiha tatabayyanu l-ashya'u. » Le cheikh, il dit « Et sache bien qu'Allah t'oriente, qu'on ne comprend réellement la vérité qu'après avoir connu le faux. » Et comme le dit le proverbe, c'est en connaissant leur opposé que l'on comprend ce que sont les choses. Et c'est en connaissant leurs opposés que l'on comprend ce que sont les choses. C'est-à-dire en apprenant, en étudiant le shirk, qu'est-ce que le shirk ? Tu connaîtras à ce moment-là le tawhid. En connaissant la bid'a, l'innovation, tu connaîtras la sunnah. En connaissant, en apprenant qu'est-ce que les formes de désobéissance, tu connaîtras l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Et le cheikh, il dit, fata ammal, médite sur ce que je t'ai dit, heure après heure, jour après jour, mois après mois et année après année, dans le but que tu connaisses la religion de ton père Ibrahim, alayhi salam, et la religion de ton prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour être ressuscité avec eux, et que tu ne sois pas privé du bassin, Al-Hawd. Et le cheikh, il fait référence à, aussi un hadith, hein, d'après Sahl ibn Sa'd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je vous précéderai au bassin, et celui qui me rejoindra, va boire de ce bassin, il ne souffrira plus de soif. Et des gens que je connais, qui me connaissent, tenteront de m'y rejoindre, mais ils seront interceptés, c'est-à-dire par les anges. Et je dirai, ils font partie des miens. Et on me répondra, c'est-à-dire, ils répondront les uns, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi, je dirai alors, que reste loin de moi ceux qui ont changé après moi. Il parle des gens de l'innovation. Il parle des gens de l'innovation. Donc le cheikh, il dit... Médite sur ce que je t'ai dit heure après heure, jour après jour, mois après mois et année après année, afin que tu connaisses la religion de ton père Ibrahim alayhi salam et la religion de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, pour être ressuscité avec eux et que tu ne sois pas privé du bassin, pour s'être détourné de leur religion et pour que tu franchisses le sirat, le pont, le jour du jugement, sans glisser comme ceux qui ont glissé du droit chemin dans ce bas monde, parmi les gens de l'innovation et les gens de l'égarement. Et le cheikh, il dit, il faut que tu invoques constamment Il faut que tu invoques constamment la prière d'Al-Fatiha avec ton cœur. Donc lorsque tu récites Sourat Al-Fatiha dans ta prière, le Cheikh, il te conseille encore une fois, il nous conseille encore une fois, hein, de réciter Al-Fatiha avec le cœur, qu'il soit présent, et avec peur, et avec imploration. Le Cheikh, il continue, il dit, tandis que la parole Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, l'adoration, c'est la perfection de l'amour et la perfection de la soumission, de la peur et de l'humilité. Le Cheikh, il dit le complément du verbe Iyyak, quand tu dis Iyyaka na'budu, c'est toi seul, il a été placé avant le verbe en langue arabe. Ça, c'est une règle dans la langue arabe. Et il fut répété. Le Cheikh, il dit, afin d'indiquer la restriction. C'est-à-dire, nous n'adorons rien si ce n'est toi, Allah subhanahu wa ta'ala, et nous ne remettons notre sort qu'entre tes mains. À toi seul, nous demandons l'aide. Et ceci est la perfection dans l'obéissance. Ceci est la perfection dans l'obéissance. Pour expliquer plus... Inch'Allah ta'ala, c'est que quand tu dis c'est toi que nous adorons, Iyyaka na'bud, c'est-à-dire que nous vouons à toi l'adoration de manière exclusive. Donc le fait que c'est toi soit d'abord cité, quand tu dis Iyyak, donc il est cité avant na'bud, qu'est-ce que cela signifie? Ça indique une notion de spécificité. Hein, ça souligne le fait que nul ne mérite l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça relève, comme j'ai dit, ce qu'on appelle un figure de style. Hein, ça exprime l'exclusivité. D'accord ? Et c'est de toi dont nous implorons l'aide. Hein, sachant que la demande d'aide ainsi adressée est une forme d'adoration. Et quel est l'intérêt donc de faire particulièrement mention alors qu'elle est comprise dans « c'est toi que nous adorons » ? Ça relève de ce qui est appelé par les ulama, hein, les gens de science, ils appellent ça la liaison d'un sens spécifique à un général qui l'englobe. C'est-à-dire qu'Allah, quand tu dis « Iyyaka na'budu », c'est toi seul dont nous adorons, hein, c'est toutes les formes d'adoration. Ça veut dire que « Iyyaka nasta'in », c'est compris dedans. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il l'a cité juste après? C'est pour indiquer un sens spécifique. C'est l'exclusivité. C'est-à-dire que c'est un droit exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imploration de l'aide, hein, c'est-à-dire que c'est la créature qui implore Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il lui vienne en aide et subvienne à ses besoins. Donc, c'est donc lui seul, Allah subhanahu wa ta'ala, qui accorde l'aide. Et la religion dans son intégralité repose sur ces deux principes que sont l'adoration et la demande d'aide. C'est toi que nous adorons. Et c'est de toi dont nous implorons l'aide. Et le Cheikh, il continue, il dit, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il dit, toute la religion repose sur deux éléments. La première, c'est le fait de se désavouer de l'association, du shirk. Ça, c'est la première chose. D'accord ? Dans la parole « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». La religion repose sur deux éléments. Se désavouer, s'innocenter de l'association. Et la deuxième, c'est le défait de se désavouer de toute force ou puissance. Car le Cheikh, il dit, le verset « C'est toi que nous adorons seul », c'est-à-dire « C'est toi seul que nous unifions par nos adorations ». Cela veut dire que tu prêtes serment à ton Seigneur de ne lui attribuer aucun associé dans son adoration. Pas même un ange ou un prophète, ni rien d'autre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit aux compagnons, le Cheikh il dit, il ramène un verset, « وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ » Dans surat Ali Imran, verset 80. « Il ne vous commande pas de prendre pour Seigneur les anges et les prophètes. Vous commanderez-t-il la mécréance après que vous vous soyez soumis ?» Donc le cheikh, il dit, médite sur ce verset. Médite sur ce verset et apprends. Apprends ce que je t'ai expliqué sur la seigneurie, le cheikh, il dit. Celle-là qui l'ont attribué à Tej et Mohammed ibn Shamsen. On avait dit que c'était des hommes qui étaient adorés à l'époque du cheikh. Il dit, si les compagnons avaient fait cela avec des prophètes, ils auraient apostasié de l'islam. Alors que dire de ceux qui le font avec Tej et ses semblables? Et la parole, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, le cheikh il dit, ceci renferme deux choses importantes, ou deux préceptes. Le premier, c'est de demander l'aide chez Allah subhanahu wa ta'ala, à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela consiste à placer sa confiance à lui, en se remettant à lui uniquement, et en se déchargeant de toute force ou pouvoir. Lorsque tu dis « wa iyyaka nasta'in », il faut que tu ressentes à ce moment-là, et que tu te rappelles que tu n'as pas de force, tu n'as ni de pouvoir, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te la donne. Et la deuxième des choses, c'est demander l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, comme nous l'avons vu hein, dans le hadith, c'est-à-dire que c'est la moitié de la sourate consacrée aux serviteurs. Comme on avait vu dans le hadith hein, au début. Le cheikh, il continue, il dit « وَأَمَّا قَوْلُهُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ » Et sa parole, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, guide-nous dans le droit chemin. Il dit le cheikh, ceci est la prière ou l'invocation évidente, claire. C'est l'aubaine du serviteur venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une imploration adressée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'insister dans cette invocation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette demande immense. C'est-à-dire le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, guide-nous dans le droit chemin, cette invocation qui est énorme, qui est immense. Et le cheikh, il dit, personne ne peut recevoir mieux que cela dans ce bas monde et pour le delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a accordé à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, dans surat al-Fath, verset 2, وَيَهْدِيَكَ سِرَاتًا مُسْتَقِيمًا, et te guide sur une voie droite. Le cheikh, il continue, il dit, la guider ici, quand tu dis, ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous, c'est quoi la guider ici? Le cheikh, il dit, la guider mentionnée dans ce verset, c'est la réussite et l'orientation. C'est la réussite, la guider, ce qu'on appelle la guider de la réussite, et la guider de l'orientation. Le cheikh, il dit, que le serviteur médite donc sur la nécessité de cette guider. La guider, elle renferme la science profitable et la pratique pieuse, l'œuvre pieuse, en s'alignant sur la droiture, la perfection et la fermeté, jusqu'à la rencontre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu dis « Ihdina as-sirata al-mustaqim », ça c'est pas la parole du cheikh, mais lorsque tu dis « Ihdina as-sirata al-mustaqim », ici c'est une invocation de demande. D'accord ? Quant à l'invocation qu'on avait précisée dans la louange à Allah, Seigneur de l'univers, « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », c'est aussi une invocation, mais ce qu'on appelle une invocation d'adoration. Pourquoi ? Parce que l'invocation elle est de deux sortes. On a la première qui est l'invocation d'adoration, et celle-là elle consiste à faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle consiste à faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième, c'est l'invocation de demande. Celle qui est mentionnée ici. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Quand tu dis Allahumma arhamni. Oh Allah, pardonne-moi. Ça, c'est une invocation de demande. Mais ici, quand tu dis Ihdina as-sirat al-mustaqim, elle désigne l'indication et l'orientation. C'est comme si tu disais en fait, oriente-nous, oh Allah subhanahu wa ta'ala, et montre-nous la voie. Et montre-nous la voie. Le cheikh, il continue, il dit, was-sirat, le chemin, quand tu dis, ihdina as-sirat al-mustaqim, c'est quoi as-sirat? Le cheikh, il dit, ce chemin est le sentier clair et évident, et qui est droit, qui n'a aucune déviation. C'est-à-dire le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son messager. En disant, Sirat al-ladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Le cheikh il dit, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. Et il dit le cheikh, et dans toutes tes prières, c'est-à-dire dans toutes tes prières, tes invocations, ou dans toutes tes unités de prière, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider dans leur chemin. Car tu te dois d'authentifier ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, tu te dois de croire ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est un chemin qui est droit. Et tout ce qui le contredit dans la science et l'adoration n'est pas droit, mais n'est que déviation. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Donc le chemin en langue arabe, c'est la voie sur laquelle circulent les êtres humains et les animaux par exemple. Mais dans ce contexte, il désigne aussi bien l'islam que le Coran ou encore le messager sallallahu alayhi wa sallam. Hein, qui furent appelés chemin et voie du fait qu'ils mènent à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette voie-là, ce chemin, il mène à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il mène au paradis. Et pourquoi il fut décrit comme étant droit, comme le cheikh il a dit, c'est dans le sens où il n'est pas tortueux et ni caché et ni dévié, mais il est plutôt droit et clair. Celui qui l'emprunte, il ne s'égare pas. Et contrairement aux innombrables autres chemins qui sont sinueux, celui qui le suit s'égare inéluctablement. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans sourate Al-An'am, verset 153, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Et certes, ceci est mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie, voilà ce qu'il vous enjoint, voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc, la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est unique, et rien n'y est caché ni ambigu. Quant au chemin qui le serait, c'est bien celui de l'égarement. Celui-là, il est ambigu, il est dévié. Qu'Allah nous en protège. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a lu ce verset, il a tracé un trait droit. Hein, comme dans le hadith d'Ibn Mas'ud, qui est connu. Hein, il a tracé un trait qui est droit. Il a dit ceci est et le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a tracé des traits à droite et à gauche. Et il a dit ce sont ceux-là les sentiers. Et à la tête de chacun d'eux se trouve un diable qui y appelle. Qu'Allah nous en préserve. Donc le cheikh, il continue. Il dit, ceci est la première obligation de ce verset. C'est-à-dire, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ. C'est d'être convaincu de cela dans son cœur. Lorsque tu récites Al-Fatiha, que ce soit dans la prière ou autre, il faut que tu sois convaincu de cela. Lorsque tu dis اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ. Le cheikh il dit que le croyant prenne garde des ruses du diable, qu'il prenne garde des ruses du diable, qui t'incite à croire en cela de manière générale tout en délaissant les détails. En effet, le cheikh il dit, les apostats les plus mécréants croient que le messager d'Allah était dans le droit chemin, sallallahu alayhi wa sallam, et que ce qui contredit sa voix est faux. Mais lorsque leur parvient ce qui ne s'accorde pas à leur désir, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ. Certains sont démentis et d'autres sont tués. Les gens de l'innovation, ou même les mécréants, ou les gens de l'innovation, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans le droit chemin. Ils ne vont pas dire le contraire. Et ils disent que celui qui contredit sa voix est faux, est dans le faux. Mais lorsque leur parvient ce qui ne s'accorde pas à leur désir, à ce moment-là, ils s'en écartent. Donc c'est pour ça qu'ici, le cheikh il dit que le croyant prête garde des ruses du diable qui t'incite à croire en cela de manière générale tout en délaissant les détails. Alors, on pourrait plus développer sur cela, inshallah ou ta'ala, pour bien comprendre, mais le temps, il passe très très vite, qu'on va continuer, inshallah ou ta'ala. Le shir, il continue, il dit, وَأَمَّا قَوْلُهُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Quant à sa parole, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas celui de ceux qui ont cours ta colère, ni celui des égarés. Le cheikh, il dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, ceux qui ont cours la colère sont les savants qui ne se conforment pas à ce qu'ils connaissent. Et les égarés sont ceux qui pratiquent sans savoir. C'est important ici. Lorsque tu dis, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ceux qui ont couru la colère, ce sont les gens qui ont su, qui ont connu la science, mais qui ne se conforment pas à ce qu'ils connaissent. Et ils ne pratiquent pas. Et ils ont la science, mais ne pratiquent pas. Et les égarés, ce sont qui pratiquent sans savoir. Ils pratiquent sans la science. Donc il faut avoir la science. Et il faut pratiquer, la comprendre et pratiquer. Et le cheikh, il dit, pour les premiers, ce sont les juifs, et les deuxièmes, ce sont les chrétiens. D'accord ? Donc, et ceux qui les suivent. Hein, ce n'est pas seulement spécifique, comme on va voir, sur les juifs et les chrétiens, mais ceux qui les suivent aussi. Le cheikh, il dit, mais beaucoup de gens, lorsqu'ils constatent que l'explication de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ceux qui encourent ta colère, ils désignent les juifs, et que les chrétiens sont, c'est-à-dire les égarés, l'ignorant, le cheikh il dit, l'ignorant, le jahil, il va croire que cela ne concerne que les juifs et les chrétiens. Pourtant, il reconnaît bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de l'invoquer dans chaque prière avec cette imploration, cette invocation, et de lui demander la protection contre le chemin de ces gens-là. Comment peut-il croire, c'est-à-dire cet ignorant, le cheikh il dit, comment peut-il croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala irait lui enseigner cette invocation et choisirait cette invocation pour la lui ordonner dans chaque prière continuellement. Et en même temps croire qu'il n'a rien à craindre de cela. Et qu'il est inconcevable qu'il tombe dans cela. Le cheikh dit, ceci est une mauvaise opinion d'Allah. Et ceci est une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le jahil, il va croire qu'il ne va pas tomber dans l'égarement des juifs et des chrétiens. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ça ne concerne pas que les juifs et les chrétiens ici, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ceux qui suivent leur chemin. C'est celui aussi qui apprend la science, mais ne la pratique pas. Ou celui qui pratique, mais sans science. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur ce verset, qu'Allah vous préserve. D'accord ? Mais on va juste se contenter, inshallah, de la parole du cheikh, parce qu'elle est très très claire et elle est très bénéfique. Naam. Donc à titre de conseil, inshallah ou ta'ala, celui qui prie ou qui lit tout simplement la surat al-Fatiha, il doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'écarter de la voie de ces deux catégories de gens. Ceux qui ont une certaine connaissance mais ne la mettent pas en pratique, et ceux qui œuvrent sans science. Naam. Le cheikh, il dit ensuite, il dit, ainsi se termine la fin de d'Al-Fatiha. Il dit, Allah est plus savant, hada akhirul Fatiha. Et ceci la fin de d'Al-Fatiha. Il dit ensuite, amma amin falaysat min al-Fatiha. Quant à l'expression amin, elle ne fait pas partie de la sourate, le cheikh, il dit, mais c'est une demande d'exaucement de la prière. C'est-à-dire, c'est comme si tu disais, oh Allah, réponds à ma prière, à mon invocation. Allahumma stajib. Donc le cheikh, il dit, il est obligatoire de l'expliquer à l'ignorant pour qu'il n'aille pas croire que cela fait partie de la parole d'Allah. Donc amin, ça ne fait pas partie de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh, il dit ici, il est obligatoire de l'expliquer à celui qui ne sait pas. Ensuite, le cheikh, il a ramené jazahullahu khayran, il a ramené des masail, certains points qui sont tirés de Sourate Al-Fatiha. Tous ces points-là, on l'a vu dans l'explication, mais on va les lire, inshallah ou ta'ala, titre de bénéfice. Le cheikh, il dit, la première chose, il dit, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fiha at-tawhid. Le cheikh, il dit, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul de, que nous implorons l'aide, il dit ceci renforme le monothéisme, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a vu dans surat al-Fatiha, il y a les trois formes de tawhid. Hein, mais plus particulièrement dans Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. D'ailleurs, on avait lu la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il avait dit hein, dans sa parole approximativement que tout le Coran reposait sur cette parole. Que tout le Coran reposait sur cette parole. Et d'ailleurs, Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit que quand tu dis Iyyaka na'budu, c'est la concrétisation de la ilaha illallah. C'est la concrétisation et la réalisation de la ilaha illallah. Et quand tu dis wa iyyaka nasta'in, c'est la concrétisation et la réalisation de quoi? De la parole la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Le cheikh il dit dans le deuxième point, ihdina as-sirata al-mustaqim fiha al-mutaba'a. Dans la parole guide-nous dans le droit chemin, il dit ceci renforce la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici on a deux conditions de l'acceptation de l'œuvre pieuse qui est la sincérité Allah subhanahu wa ta'ala dans la parole iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, et on a aussi le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est la deuxième condition, hein, ihdina as-sirata al-mustaqim. Le cheikh il dit en troisième, il dit que les piliers de la religion sont au nombre de trois, c'est-à-dire l'amour, l'espoir et la peur. Il dit l'amour en premier, l'espoir en second, puis la peur en troisième. Et le cheikh, il a fait une risala, il a fait une épître indépendante hein, sur ce point-là, c'est-à-dire les mérites ou les bénéfices de surat al-Fatiha, et il a mentionné cela, c'est-à-dire que quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Donc là, il y a quoi? Il y a l'amour, parce qu'on a vu que Alhamdulillahi Rabbil Alameen, c'est que tu loues Allah subhanahu wa ta'ala, et la louange, elle contient l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si ce n'est pas car une louange sans amour, ce n'est pas considéré comme une louange. Il y a aussi l'espoir quand tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tu as espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes péchés. Il y a aussi la peur quand tu dis Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin, le roi, hein, le maître de jour de la rétribution. Il dit le cheikh Ar-Rabi'a, la quatrième, c'est la perdition de la plupart des gens réside dans l'ignorance du premier verset. Je veux dire que, c'est-à-dire qu'il veut dire que la louange n'est qu'à Allah et la seigneurie sur tout l'univers n'est qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de gens qui se sont égarés ou qui ignorent ce premier verset. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est-à-dire l'explication de ce premier verset. Il dit Al-Khamisa, la cinquième, c'est les premiers comblés de bienfaits et les premiers qui encourent la colère et les premiers égarés. Donc ça on a vu dans Sirat alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wala ad-dallin, on a expliqué cela. Le cheikh il dit sixièmement la grâce et la louange à la mention de ceux qui sont comblés de bienfaits. Ça on l'a vu, na'am, parmi les prophètes, parmi les gens pieux, les salihin, etc. Et parmi eux le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Septièmement il dit le cheikh la puissance et la gloire de la mention de ceux qui encourent la colère des égarés. Naam. Huitièmement, il dit Dua ul Fatiha ma'a qawlihi la yustajab ad-du'a ma'a min qalbin ghafil. L'invocation de la Fatiha et la parole, l'invocation d'un cœur distrait n'est pas exaucée. L'invocation d'un cœur distrait n'est pas exaucée. On avait vu l'importance que lorsque tu récites Surat al-Fatiha, il faut que ton cœur il soit présent. Elle dit que c'est une condition ici. Non, c'est une condition pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte ses invocations. Tasi'a, neuvièmement, il dit Sirat alladhina an'amta alayhim fi hujjatul ijma'. Il dit le chemin de ceux que tu as comblé de bienfaits est une preuve de la validité du consensus comme argument légal. C'est-à-dire que c'est considéré comme une preuve. Et il dit, dixièmement, lorsque l'homme s'en remet à lui-même, il court à sa perte. Naam, lorsqu'il s'en remet à lui-même, il court à sa perte. Et ça, c'est le contraire de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka nasta'in. On avait vu cela, que tu dois demander l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a de force ni de puissance si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, onzièmement, l'importance de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, de placer sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, douzièmement, de prendre garde, ou plutôt, de faire attention, na'am, au sens, l'importance de l'invalidité ou de la nullité du shirk, de l'association. Et aussi, treizièmement, l'invalidité ou on peut dire la nullité de la bid'a, de la bid'a, de l'innovation. Naam, c'est-à-dire dans la parole de, quand tu dis « Ihdina s-sirat al-mustaqim ». Et il dit, quatorzièmement, il dit que si l'homme connaissait chaque verset de la Fatiha, hein, il deviendrait quelqu'un de science au sens, hein, il aurait la science de cela. Et chaque verset a un sens propre dont le sens prendrait des livres entiers. C'est-à-dire que le cheikh ici, il a fait, dans son explication, il a fait de façon concise. Mais chaque verset, en vérité, pour l'expliquer, ça demanderait, hein, de prendre des livres entiers. Ça demanderait de prendre des livres entiers. Et le cheikh, il dit ensuite, Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, hein, est plus savant. Donc ainsi se termine l'explication de ce livre, c'est-à-dire l'explication de Surat al-Fatiha du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et qu'Allah accorde ses éloges et son salut à notre prophète Mohammed ainsi qu'à ses compagnons et ses adeptes. Et Allah est plus savant. Donc, barakallahu fikum wa jazakum khayran. Je vous remercie, hein, d'avoir été présent. Et inshallah ta'ala, on se dit à bientôt. Hafidhakum Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.